franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'était donc, il y a un demi-siècle, la crise des missiles de Cuba. 10 jours qui ont fait trembler le monde, même si le grand public n'a pas toujours compris qu'il venait de passer tout près de la Troisième Guerre mondiale et par conséquent de l'apocalypse nucléaire. La semaine passée, M. X est revenu sur ces événements qui ont vu le spectaculaire affrontement des deux super-grands incarnés par John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrouchtchev. Il a raconté comment, alors que la crise atteignait son paroxysme, la tension a soudain baissé. Le numéro 1 soviétique a accepté de retirer les missiles à tête nucléaire qu'il avait installés à Cuba et le président américain a mis fin au blocus naval de l'île, promis de ne pas attaquer l'île et aussi, même si cette clause est restée secrète, de démanteler les fusées positionnées à la frontière turque. Cependant, nous a dit mon interlocuteur dans son dernier entretien, bien des aspects de cette crise sont restés mystérieux, à commencer par le rôle qui a joué l'un des plus grands espions du XXe siècle, Oleg Penkovsky, une taupe des Occidentaux dissimulé au cœur de la citadelle soviétique, un homme que certains aujourd'hui n'hésitent pas à considérer comme un héros. Rassurez-vous, je vais vous parler du colonel Penkovsky, mais auparavant, je veux revenir sur les dessous de cette crise des missiles. Bon, s'il est vrai que jamais dans l'histoire de la confrontation Est-Ouest, on avait eu aussi peur. La réalité est encore plus terrifiante, car il s'est produit au moins deux événements qui auraient pu déboucher sur la guerre nucléaire, en dehors même de la volonté des dirigeants soviétiques et américains. C'est-à-dire des faits qui auraient échappé à leur contrôle. Et qui auraient automatiquement entraîné la guerre sans possibilité de retour en arrière. Alors, je vous raconte. C'est une véritable armada que Khrouchtchev avait envoyé dans le plus grand secret vers Cuba. Oui, afin d'approvisionner en matériel militaire le régime castriste. Et aussi de protéger l'île en cas d'attaque américaine. C'est pourquoi Kennedy a décidé d'y mettre fin en décrétant le blocus naval de Cuba. Une véritable quarantaine. Et un sérieux avertissement adressé à Moscou. Et je vous rappelle que cette décision a sauvé la paix. Car l'autre option, sérieusement envisagée par les conseillers de JFK, c'était une attaque aérienne de Cuba. Oui, pour détruire les missiles déjà installés. Hein. Dont certains étaient opérationnels. Le risque était donc énorme. En cas de riposte soviétique, c'était la guerre nucléaire. Ouais, je n'y reviens pas, car nous en avons longuement parlé la semaine passée. L'armada soviétique qui voguait en direction de Cuba comprenait aussi des sous-marins. Et c'est l'histoire de l'un d'eux que je voudrais évoquer. Le B-59, plus précisément, un submersible commandé par Valentin Savitsky. Au cœur de la crise, le 27 octobre 1962, cela fait deux jours qu'il se trouve en plongée dans la mer des Caraïbes. Oui, alors que le blocus naval américain a commencé. Hein. Et naturellement, les navires de guerre états-uniens traquent en priorité les sous-marins de l'armada soviétique. Parce qu'ils pourraient forcer le blocus. Et passer à travers les mailles du filet, oui. En plongée, le commandant Savitsky ne peut pas communiquer avec Moscou. Or, quand le sous-marin a commencé à s'enfoncer dans la mer, les nouvelles étaient alarmantes. On était alors à la veille du déclenchement d'un conflit avec les États-Unis. J'ajoute que les conditions matérielles de vie à l'intérieur du B-59 devenaient de plus en plus difficiles. Pour quelle raison, hein ? Ce sous-marin n'est pas de toute jeunesse. Pour renouveler l'atmosphère à l'intérieur du bâtiment, il lui faut faire surface. Oui, mais il risquerait de se faire repérer. Évidemment. En outre, le fonctionnement des moteurs diesel produit une accumulation de gaz carbonique qui rend l'air irrespirable. L'équipage est donc au bord de l'évanouissement. C'est alors que les sous-mariniers entendent de fortes explosions, si violentes même que l'une d'elles a provoqué une légère fissure dans la coque du B-59. Savitsky peut alors légitimement considérer qu'il est attaqué. Ah c'est évident, mais ce qu'il ne peut pas savoir, c'est qu'en réalité, ce sont des grenades à charge creuse qui ont été lancées par deux destroyers américains qui ont détecté le sous-marin et veulent l'obliger à émerger. Il ne s'agit donc pas réellement d'une attaque. Mais encore une fois, le commandant soviétique est dans le brouillard, si j'ose dire. D'autant qu'il ne veut pas communiquer avec son état-major. Or, justement, pour éviter ce genre de méprise, McNamara, le secrétaire américain de la Défense, a certainement averti son homologue soviétique que les destroyers allaient procéder à des tirs sans réel danger. Oui, mais Moscou n'a donc pas pu prévenir le commandant du B-59. Et c'est très inquiétant, car le sous-marin est pourvu d'une torpille atomique d'une puissance de 10 kilotonnes, soit un tout petit peu moins que celle de la bombe d'Hiroshima. Oui, mais j'imagine que le commandant là, ne peut donner l'ordre de tirer que sur injonction de Moscou. En principe, oui. Et d'ailleurs, à bord se trouve un officier de sécurité qui est chargé de contrôler la procédure de tir. Mais, assez étrangement, avant le départ du B-59 vers Cuba, les chefs de la marine soviétique ont donné d'autres consignes à Savitsky et au commandant des trois autres submersibles qui devaient rejoindre secrètement Cuba. Mais quels ordres, là ? Ces sous-mariniers auraient l'autorisation de tirer leurs torpilles atomiques si on les attaquait. Or, Savitsky a vraiment l'impression qu'on l'a attaqué puisque la coque de son bâtiment a été fissurée. Et paniqué, il est sur le point de riposter, avec toutes les conséquences que vous imaginez. La flotte américaine aurait été pulvérisée et Washington aurait été obligé de lancer des tirs de représailles sur l'URSS. Et ce qui aurait provoqué une guerre nucléaire totale. Mais heureusement, un officier haut gradé appartenant à l'état-major des sous-marins était présent, un peu par hasard, dans le B-59. Certes, il n'avait pas de pouvoir, puisque Savitsky était le seul maître à bord de son sous-marin. Mais cet officier supérieur, un certain Vassili Arkhipov, a réussi à ramener le commandant du B-59 à la raison et à le convaincre de ne pas tirer sa torpille atomique. Ouf. Comme vous dites, oui. Le deuxième incident n'a pas été moins grave, Ce même 27 octobre 1962, une double alerte retentit au QG de l'US Air Force. D'une part, on apprend la perte d'un avion espion U-2 et de son pilote au-dessus de Cuba. Il a été abattu ? Oui, par une fusée sol-air soviétique. Ce pilote sera d'ailleurs le seul mort de la crise des missiles. Mais la deuxième alerte est encore plus préoccupante. Un autre U-2 s'est égaré alors que parti d'Alaska, il volait vers le pôle Nord. Son pilote, ébloui par une aurore boréale, a franchi les limites de l'espace aérien soviétique et vole au-dessus de la Sibérie. Et en pleine crise des missiles, c'est embarrassant. Et même très dangereux, car immédiatement, 6 MiG soviétiques sont lancés à ses trousses. Pour l'intercepter. Et le détruire, car Moscou peut craindre que cet appareil ne transporte une bombe atomique. Et aux États-Unis, alors, comment réagit-on ? L'état-major décide de faire décoller 2 F-102 qui doivent venir à l'aide du pilote de l'U-2. Problème ? En raison de l'alerte maximale qui a été décrétée par le président Kennedy, dès le début de la crise de Cuba, ces avions sont équipés de 2 missiles atomiques. Mais là encore, je pense qu'ils ne peuvent tirer que sur ordre du président. C'est évident. Mais dans son cockpit, le pilote est seul. Et s'il se sent attaqué, il peut avoir le réflexe de riposter. Et on court à nouveau le risque de provoquer une déflagration nucléaire mondiale. Toutefois, par chance, le pilote de l'U-2 réalise qu'il s'est égaré et il sort de l'espace aérien soviétique avant d'être rattrapé par les MiG. Fin de l'incident, tout se termine bien. Mais une fois de plus, on a eu chaud. En effet, oui. Et je vous fais observer à nouveau que dans les deux cas, ni Khrouchtchev ni Kennedy n'auraient pu avoir un quelconque contrôle sur ces événements. Alors la guerre atomique aurait donc pu éclater presque par hasard. C'est ce que je pense, oui. Alors bon, je vous propose maintenant de nous intéresser à ce colonel Penkovsky, dont l'intervention dans cette crise des missiles a été si importante. Alors, qui est ce personnage ? Je sais que vous m'en avez parlé il y a très longtemps, mais rafraîchissez-moi la mémoire. Avec plaisir. Mais une curieuse coïncidence d'abord. Oleg Penkovsky a été arrêté le 22 octobre 1962, c'est-à-dire le jour même où John Kennedy a prononcé son fameux discours télévisé où il a à la fois révélé la gravité de la crise des missiles et surtout menacé Khrouchtchev de représailles s'il ne retirait pas ses fusées de Cuba. Et il pourrait y avoir un rapport là entre l'arrestation de l'espion et le fait que Kennedy ait prononcé son allocution ce jour-là ? Écoutez, je n'en suis pas sûr, mais ça faisait déjà un moment que Penkovsky était une cible pour le KGB. Et en mettant fin à son existence de taupe, Moscou a peut-être voulu envoyer un signal à Washington. Voyez, nous savons qui vous a si utilement informé sur nos missiles. Et en l'arrêtant, nous vous montrons qu'en dépit de cette trahison, nous maîtrisons la situation. Mais bien sûr, ça n'est qu'une hypothèse. Décidément, ce 27 octobre 1962, le monde a vécu bien dangereusement. Car mon confrère du Nouvel Observateur, Vincent Jauvert, qui a le premier en France fait état des deux incidents dont a parlé M. X, révèle aussi un autre épisode qui aurait pu mettre le feu aux poudres, sans que la CIA les ait détectés. Les Soviétiques ont en effet installé des missiles nucléaires de courte portée, FKR, derrière la barrière de cactus qui sépare la base américaine de Guantanamo du reste de l'île. La suite avec Vincent Jauvert. Le plan d'attaque de l'île, concocté par l'état-major américain, commence par une semaine de bombardements conventionnels intensifs. Le Pentagone présume que les premières répliques seraient, elles aussi, conventionnel. Il n'imagine pas que, selon les ordres de Khrouchtchev, dès les premières frappes de l'US Air Force sur Cuba, des FKR seraient tirés sur Guantanamo, ce qui ne laisserait d'autre choix à Kennedy que d'ouvrir à son tour le feu nucléaire et d'enclencher le cataclysme mondial. Le risque d'un tir soviétique en direction de la base est d'autant plus élevé ce matin-là que les missiles installés en catastrophe par des militaires épuisés n'ont pas été sécurisés. Leurs têtes nucléaires ne sont pas encore verrouillées, ni par le moindre code, ni par la moindre clé. N'importe quel lieutenant anxieux ou exalté pourrait décider d'ouvrir le feu. Mais on le sait, Kennedy, ayant obtenu des concessions de Khrouchtchev, s'abstiendra de lancer l'attaque aérienne prévue sur Cuba. Alors, qui était Oleg Penkovsky ? Et si j'en parle au passé, c'est que je n'accorde nulle foi à tous ceux qui ont prétendu que l'espion n'avait pas été fusillé. Penkovsky est un parfait produit du système soviétique. Brillant officier pendant la Seconde Guerre mondiale, il est décoré à plusieurs reprises. Intelligent, très introduit dans les cercles du pouvoir, il devient spécialiste des missiles tout en accédant aux plus hauts échelons du GRU, le service de renseignement de l'armée. Un service souvent rival du KGB. Hein. Oui. Mmh. Colonel, Penkovsky est chargé de la recherche dans le monde anglo-saxon. Mmh. La recherche L'espionnage scientifique. Et sous le prétexte de missions diplomatiques et commerciales diverses, il doit nouer de nombreux contacts à l'Ouest. Par exemple, lorsque des délégations scientifiques occidentales se rendent à Moscou, Penkovsky ne manque jamais de les rencontrer. Et humainement, enfin, d'après ce que vous pouvez savoir, là, qui est Penkovsky ? Tous ceux qui l'ont connu s'accordent à dire que c'était un bon vivant. C'est-à-dire un russe qui appréciait la vodka ? Oui, enfin, on peut voir les choses comme ça à cette époque-là, mais ça n'a pas dû changer. On boit beaucoup dans les soirées de la nomenclatura. Et Penkovsky fait comme les autres. Ses compagnons de beuverie s'appellent Serov, le chef du GRU, ou encore Varentsov, un maréchal, qui est le commandant en chef des missiles et de l'artillerie. Ouais, rien que du beau monde, quoi. Il y a également des membres du gouvernement. Cependant, Penkovsky est aussi paradoxalement un homme, relativement secret et même solitaire. Malgré ses amitiés dans ses cercles supérieurs, il est assez seul. Et en dépit des hautes fonctions qu'il occupe, il vit assez modestement dans un deux-pièces rue Gorki, en compagnie de sa femme, sa fille et sa mère. Quatre dans un deux-pièces. La crise du logement est générale à Moscou. Et la norme, c'est l'appartement communautaire. Ouais. Donc, Penkovsky est relativement privilégié. Comment va-t-il basculer ? Il est certain que très tôt, le colonel Penkovsky a observé avec beaucoup de lucidité la société soviétique. Au poste où il se trouve, il ne peut rien ignorer de la corruption des dirigeants, du népotisme généralisé et du cynisme des maîtres du Kremlin. Ouais, et puis il connaît l'Occident. Il sait donc que le niveau de vie des habitants de l'Ouest n'a rien à voir avec celui des Russes, contrairement à ce que l'on prétend en URSS. Hein. Mais après tout, même s'il est sans illusion, il profite du système et des avantages matériels réservés aux privilégiés du régime. Seulement, il va lui arriver un pépin. Et quoi ? Un fonctionnaire zélé du KGB découvre que son père a été un officier blanc. Ouais, donc un officier qui a combattu contre l'armée rouge après la Révolution. Oui, et ça, c'est une tâche indélébile. Et donc une menace sérieuse pour sa carrière. C'est possible. Ouais. J'ai quand même, moi, du mal à croire que cette découverte est fortuite. Hein. Étant donné le système policier en place en URSS, le KGB devait savoir depuis longtemps que Penkovsky avait un père qui avait été officier dans l'armée blanche. Absolument. Mais ça fait partie des renseignements qu'on utilise lorsqu'il le faut. Et alors là, il le fallait ? Certainement. Penkovsky devait faire de l'ombre à quelqu'un. En poste en Turquie, il avait d'ailleurs eu des mots avec un général du GRU qui le jugeait incompétent. À moins que le KGB ait tenu à rappeler à ce brillant officier du GRU qu'il ne devait pas se croire tout permis, allez savoir. En tout cas, cette soudaine révélation a été un véritable choc pour Penkovsky. Et il s'est senti fragilisé ? Oui, et toute la haine qu'il ressentait depuis si longtemps pour le régime, sans jamais avoir osé l'exprimer, est sortie d'un seul coup. Il fallait qu'il se venge. Et c'est sans doute ainsi que tout a commencé. Sa carrière a été brisée ? Non, mais son avancement en a certainement souffert. Penkovski ne sera jamais général, mais il aura toujours accès à des informations hautement confidentielles. Et toujours sur les missiles. Essentiellement, oui. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il y a longtemps que le MI6, c'est-à-dire l'intelligence service, l'a repéré. En Turquie, justement. Et pour quelle raison, hein? Les Britanniques avaient noté que Penkovski affichait souvent un air mélancolique et qu'il avait l'habitude de faire de longues promenades solitaires. Ouais, un type pas très heureux, donc. C'est ça. Mais à défaut de mieux le connaître, ils se sont abstenus de l'approcher. En fait, il va se passer de longues années avant qu'ils le chargent, l'un de leurs honorables correspondants, d'entrer en contact avec lui. Et cet honorable correspondant, là, qui? Un certain Greville Wine. Un homme d'affaires britannique qui commerce beaucoup avec les pays de l'Est. Wayne arrive à Moscou à la tête d'une mission commerciale que Penkovski est chargé de cornaquer. Oui, les deux hommes se rencontrent. Penkovski est plutôt méfiant. Mais quand Wayne lui propose d'organiser le voyage d'une délégation soviétique à Londres, son œil s'allume. Et d'abord parce qu'à l'époque, aucun citoyen soviétique ne peut refuser une telle proposition de faire un petit tour à l'Ouest. Ouais. Par conséquent, il va réellement se rendre en Grande-Bretagne. Penkovski a en effet obtenu toutes les autorisations nécessaires. Et ce n'est pas surprenant, car son service pense qu'il glanera là-bas des informations intéressantes. Comment s'est passée exactement la suite? Je ne connais pas tous les détails. En tout cas, en avril 1961, Penkovski, accompagné de 6 soviétiques, arrive à Londres. À l'étranger, il se sent forcément beaucoup plus libre qu'à Moscou et ne tarde pas à se confier à Greville Wine. Il a deviné que c'était un correspondant de l'intelligence service. Assez vite, à mon avis, et ça ne le gêne pas. Bien au contraire. Pendant la quinzaine de jours qu'il passe à Londres, Penkovski va subir un véritable débriefing opéré par des spécialistes du MI6, mais aussi de la CIA. Ah, parce que les Américains vont être dans le coup. Oui, les Anglais ont dû se dire que l'affaire étant d'une telle importance, il convenait de demander la collaboration du grand frère d'outre-Atlantique. Vous avez dit débriefing, mais Penkovski n'était pas le seul membre soviétique de cette mission commerciale. Alors, il fallait donc donner le change pour rencontrer ses interlocuteurs. Exact, et c'est assez amusant. Dans la journée, le colonel Penkovski remplit strictement sa mission. C'est-à-dire qu'il recueille des informations commerciales et scientifiques pour son service. Bref, il fait son travail d'espion russe. Mais chaque soir, à l'hôtel, il change discrètement de chambre et bavarde longuement avec ses interlocuteurs anglais et américains. Mmh. Et ceux-ci sont convaincus que Penkovski est sincère? Assez rapidement, oui. Ils analysent les informations que leur donne le colonel. Ils les recoupent avec leur propre documentation et ils se rendent compte que Penkovski dit vrai. Et cela leur ouvre des perspectives fantastiques. C'est-à-dire? Eh bien, s'ils arrivent à maintenir le contact avec Penkovski lorsqu'il sera de retour à Moscou, ils auront pour la première fois une taupe au sein même des services soviétiques. Vous avez dit la première fois, mais d'autres agents soviétiques ont trahi. Oui, des agents qui ont fait défection. Des transfuges qui partaient à l'Ouest avec leurs petits paquets de secrets, mais qui, une fois leurs secrets livrés aux Occidentaux, n'étaient plus d'aucune utilité. Avec Penkovski, c'est complètement différent. Anglais et Américains peuvent espérer disposer d'une source permanente d'informations. Une sorte de Philby à l'envers. Ou l'équivalent de ce que sera plus tard notre source Farewell. Mais encore, faut-il pouvoir recueillir ces informations, c'est-à-dire maintenir le contact avec Penkovski? C'est quand même plus facile à Londres qu'à Moscou, hein? Oui, vous avez raison. Mais bien sûr, il y a Greville Wine. L'homme d'affaires peut rencontrer Penkovski sans éveiller de soupçons. Mais Wine ne peut quand même se rendre à Moscou tous les 4 jours. Alors, il faut mettre au point des procédures compliquées et forcément risquées pour récupérer les documents que Penkovski aura photographié. Le système des boîtes à lettres mortes? Bien sûr, ouais. Mais surtout des contacts par balayage. Balayage, c'est-à-dire? Il s'agit de furtives rencontres dans la rue, minutieusement préparées. Deux personnes se croisent. Elles se frôlent sans s'arrêter et à cette occasion, une enveloppe change discrètement de main. Mais ça ne peut marcher durablement que si la personne croisée dans la rue change souvent, au cas où l'espion fait l'objet d'une surveillance ou d'une filature. C'est logique, ça. Ce qui implique que le service doit disposer d'un personnel nombreux. Or, à Moscou, les services occidentaux se trouvaient singulièrement démunis. En tout cas, pendant de longs mois, Penkovski effectue un travail considérable. On a estimé plus tard qu'il a transmis au moins 5000 documents à l'Ouest. C'est énorme. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Genoveva, Étienne et Claude Moliquet ont consacré plusieurs pages à Oleg Penkovsky dans leur histoire de l'espionnage mondial. Ils évoquent en particulier ses rencontres à Londres avec les hommes des services de renseignement anglo-saxons. Il y a quelques années, la CIA a diffusé des photographies prises lors de ces rencontres de Londres, extraits du texte des deux auteurs qui ont vu ces photos. En bras de chemise, comme ses interrogateurs, Penkovsky semble calme et détendu. Il est souriant et regarde franchement l'objectif comme s'il posait pour de quelconques photos de vacances. On le voit souvent le verre à la main, les autres aussi d'ailleurs, car ses séances de travail étaient bien arrosées. Mais sa vanité et sa naïveté ont quelque chose d'étonnant. Un soir, il dit « Un jour, il y aura une plaque commémorative dans cette chambre, c'est un lieu historique ». Une autre fois, il se fait photographier en uniforme de colonel de l'armée britannique, puis de l'armée américaine. La CIA et le MI6 lui ont attribué à titre purement honorifique dans l'armée de leur pays respectif le grade qui est le sien en URSS. C'est peut-être là le moteur secret de sa trahison, un ego surdimensionné. Il ne sera pas général, alors il entend devenir, comme il le dit lui-même, le plus grand espion du siècle. En septembre 61, Penkovsky se rend à Paris. Naturellement, Grevillewein l'y attend. Penkovsky lui remet de nombreux documents et lui confie qu'à Moscou, il a l'impression de faire l'objet d'une surveillance. Et comment réagit Wine, alors? Il suggère à Penkovsky de rester à l'ouest. Ouais, ça me paraît sage, oui. Oui, mais le colonel pense à sa famille. S'il fait défection, le KGB risque de s'en prendre à sa femme ou à sa mère. Alors, malgré le danger, il décide de retourner en URSS. Mmh. Mais était-il réellement surveillé? Oui. Depuis quelque temps, grâce à leur propre taupe infiltrée dans les services anglais, les hommes du KGB savaient que l'intelligence service disposait d'un informateur haut placé. Mais ils ne l'avaient pas encore identifié. Aussi avaient-ils placé sous surveillance tous les officiers supérieurs du renseignement, susceptibles d'avoir des contacts avec les Occidentaux. Mmh. Et parmi eux, Penkovsky. Les gens du KGB avaient aussi mis en place une surveillance renforcée du personnel diplomatique anglo-saxon, car ils étaient persuadés que le traître avait forcément un officier traitant opérant sous couverture et appartenant vraisemblablement au corps diplomatique. Mais ce qui a enfiévré la centrale soviétique et avec elle tous les plus hauts responsables de Moscou, c'est ce que je vous ai révélé la semaine passée. Au cours de l'automne, le secrétaire d'État adjoint américain a dénoncé le bluff soviétique quant au nombre de missiles que l'URSS possédait. Est-ce que les Américains ont nommé le missile gap? Oui. En réalité, les Soviétiques mentaient effrontément quand ils affirmaient avoir un arsenal de centaines de missiles nucléaires. Cela signifiait qu'un personnage très haut placé avait passé l'information aux États-Unis. Et une taupe qui pouvait avoir des renseignements précis en matière de missiles. Et là, on se rapproche de Penkovsky. Qui fait l'objet d'une surveillance constante. Et justement, les types du KGB observent que Penkovsky croise un peu trop souvent dans la rue la femme d'un diplomate anglais, Janet Chisholm. À partir de ce moment-là, le KGB déploie le grand jeu. C'est-à-dire Penkovsky est épié en permanence. Rue Gorki, son appartement est mis sur écoute. Une caméra, placée astucieusement sur son balcon, le filme. Et afin de perquisitionner en toute tranquillité l'appartement de Penkovsky, des spécialistes du KGB se débrouillent pour le rendre malade. Mais comment ? En l'empoisonnant. Penkovsky, malade comme un chien, est hospitalisé. Pendant son absence, son appartement est minutieusement fouillé. Et la vérité éclate lorsque les hommes du KGB découvrent, en particulier, son appareil de microphotographie qui lui a été donné par l'intelligence service. Penkovsky est donc un traître. Le traître que l'on s'efforce d'identifier depuis des mois. Mmh. Il est arrêté? Non, pas tout de suite. Mais pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le KGB veut découvrir qui sont les contacts de Penkovsky. Et Grevillewein, qui imprudemment se rend à Prague, est kidnappé et envoyé à Moscou. Ensuite, les Soviétiques entendent se servir de Penkovsky à son insu. Et ce sera l'une des causes de la crise des missiles de Cuba. Ah là, il faut m'expliquer. Hein. Bien. La coexistence pacifique prônée par Khrouchtchev et apparemment acceptée par Kennedy n'a de sens que si les deux partenaires sont à égalité. c'est-à-dire si leurs forces sont équivalentes. La révélation américaine du missile Gap est donc catastrophique. D'où cette idée assez machiavélique qui va trouver un écho au Kremlin. Si les États-Unis doutent de la toute-puissance de l'arsenal des fusées soviétiques, on va leur montrer de très près que ces missiles existent, bel et bien. Et ce serait donc la raison alors de l'installation des fusées à Cuba ? Pas la seule, car je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais c'est certainement un argument qui a conforté la décision de Khrouchtchev. Mais Penkovsky dans l'affaire, alors ? On va lui permettre d'avoir accès à un document sur l'installation des rampes de lancement de missiles intercontinentaux. Et comme il le fait maintenant depuis presque 18 mois, le colonel photographie le document en question et le fait passer aux anglo-saxons. Au même moment, des spécialistes soviétiques commencent à construire des rampes dans la jungle cubaine. Ouais, et sans aucune espèce de camouflage, m'avez-vous dit, hein ? Bien sûr, car je suis persuadé que ces installations sont faites pour être vues, alors que tout ce qui a précédé cette fantastique opération à Nadir, qui a permis de transporter 50 000 soldats soviétiques à Cuba, a été conduite dans le plus grand secret. Ouais, c'est en effet troublant, hein. Et c'est ainsi qu'un avion U-2 qui passe régulièrement au-dessus du territoire cubain va pouvoir photographier le site. Les Américains comparent avec le document fourni par Penkovsky. Les similitudes sont évidentes. Les Soviétiques installent donc des rampes de lancement de missiles intercontinentaux à proximité des côtes des États-Unis. Et s'ils ont pris cette décision qui ressemble à une provocation, c'est que leur arsenal est bien plus considérable que les Américains ne le pensent. Ça aurait donc été une pure démonstration. En partie, oui. Khrouchtchev a voulu montrer ses muscles. Et ça explique qu'ensuite, la démonstration ayant eu lieu, il a bien gentiment accepté de faire machine arrière. Ouais, peut-être, mais enfin, cette crise des fusées de Cuba ne s'est pas terminée très glorieusement pour Khrouchtchev. Hein. C'était quand même une reculade. Ah, pas pour tout le monde. Hein. La propagande communiste l'a au contraire présenté comme le champion de la paix. En tout cas, Fidel Castro, lui, n'a guère apprécié cette reculade. Ah, il a eu tort, parce qu'à cette affaire, les États-Unis ont été contraints de renoncer à toute nouvelle attaque contre Cuba. Je veux bien vous croire, au moins à propos de ce dernier point. Mais j'ai toujours des doutes là, sur la relation que vous faites entre les révélations de Penkovsky et la crise des fusées. Alors, pourquoi Penkovsky est arrêté le 22 octobre en pleine crise des missiles ? Pour les raisons que je vous ai déjà exposées et aussi parce qu'il a cessé d'être utile. Il a joué son rôle, c'est terminé pour lui. Mais il convient de ne pas le laisser parler ou s'échapper. Ouais. On sait ce qu'il est advenu de lui ? Tout à fait. 6 mois plus tard, alors que d'habitude les Soviétiques donnent peu de publicité à ce genre d'affaires, le colonel Penkovsky a été jugé pour trahison, condamné à mort et exécuté. Alors pourquoi, selon vous, ont-ils rendu publique cette nouvelle ? À mon avis, c'était une sorte de clin d'œil cynique adressé aux anglo-saxons, une façon de leur dire qu'ils n'avaient jamais été dupes et qu'ils avaient eux aussi joué un rôle capital dans cette formidable partie de poker menteur. Mmh. Et Greville Wine ? Mais il a été jugé, lui aussi, et condamné à une peine de prison. Mais peu de temps après, il a été échangé contre un espion soviétique, un homme qui se faisait appeler Lonsdale et qui avait appartenu au réseau du célèbre Rudolf Abel. J'ajoute que la malheureuse histoire de Penkovsky ne s'est pas arrêtée avec son exécution. En 1965, 2 ans après la mort du colonel, un éditeur américain a publié les carnets de Penkovsky. Des carnets ? Oui, des réflexions écrites jour après jour par Penkovsky. Une charge violemment anticommuniste et pro-occidentale. Penkovsky y décrivait notamment la corruption généralisée qui régnait en URSS dans les milieux du pouvoir. Il accusait le bellicisme des dirigeants. Et tenez, ce qui nous a intéressés, nous Français, il affirmait que les services soviétiques travaillaient en étroite collaboration avec les communistes français afin de percer les secrets militaires de l'OTAN. Ça vous semble vraisemblable ? Absolument pas. Je vous ai dit à nombreuses reprises que les Russes avaient renoncé depuis longtemps à se servir des militants communistes. Ouais. Ces carnets étaient donc des faux ? Bien sûr. C'était la CIA qui avait forgé de toutes pièces cette pseudo-confession. Il s'agissait d'une opération de propagande. La meilleure preuve, c'est que Penkovsky y affirmait qu'il avait tapé lui-même le texte à la machine le soir en cachette de sa famille. Comment aurait-il pu le faire dans ce minuscule 2 pièces où il habitait avec sa femme, sa fille et sa mère ? Et puis, vous imaginez un espion qui doit être en permanence sur ses gardes, écrire ses mémoires, au risque de voir son texte saisi par la police ? Non. Ce qui est absurde. Et il était presque trop facile d'y voir clair. Mais Les gens du KGB ont réagi à leur manière. Alors comment, eux ? Ben, eux, ils ont tourné un film, un documentaire sur Penkovsky, dont certaines séquences ont été tournées avant son exécution. On le voit en particulier se livrer à des aveux complets lors de son procès. Ouais, alors ça, c'est la réponse du berger à la bergère. En quelque sorte. Un film édifiant qui montrait aussi l'excellence du travail d'enquête mené par les officiers du KGB. Et peut-être aussi destiné à l'édification des futurs candidats espions de la centrale. Mais bien sûr, il n'est fait aucune allusion à la crise des missiles. Parce que ça, ça relevait du secret d'État. J'ai trouvé une autre explication plausible à la publication des carnets de Penkovsky qui, selon M. X, aurait été forgé par les Américains. Quelque temps plus tôt, les Russes avaient donné le ton en autorisant la publication d'un livre de Conan Molody, alias Gordon Lonsdale, cet espion échangé contre Greville Wine. Un livre qui était, bien entendu, tout à la gloire des services soviétiques et de leurs agents illégaux, comme on les nommait. D'autre part, dans le livre de Christopher Andrew et Oleg Gordievsky, Le KGB dans le monde, consacré à l'histoire de la centrale soviétique, je lis que Penkovsky, qui était surveillé depuis longtemps, a été arrêté le 22 octobre 1962 parce qu'une caméra installée dans le plafond de son appartement a indiqué qu'il travaillait à la fabrication d'un faux passeport. Craignant qu'il ne s'échappe à l'étranger, les hommes du KGB auraient alors décidé de l'arrêter. Encore une révélation, mais à propos de toute autre chose. Sachez, alors que Noël approche, qu'en 1951, on a brûlé le Père Noël en place publique. Un holocauste qui a eu lieu sur une place de Dijon après une vraie campagne anti-Père Noël conduite par Gilbert Cesbron et François Mauriac. Alors que de l'autre côté, Claude Lévi-Strauss ou Jean Cocteau prenait sa défense. Une véritable guerre picrocolline que raconte savoureusement Jean-Pierre Guénaud dans un beau livre que je vous recommande, « Cher Père Noël ». À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission. Rebecca de Nantes l'a préparée, Michel Billou l'a réalisée et Monsieur Djoub l'a illustrée musicalement. Et tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.